Juste avant, je voudrais vous mentionner l'existence d'ateliers pour ceux qui n'auraient pas trouvé toutes les réponses à leurs questions, soit dans les bouquins ou autrement. Puis en même temps, c'est un bon moyen d'échanger peut-être entre parents d'enfants Teflon. Il y a des ateliers, il y en a quatre, qui sont organisés par le CAETQ, qui sont le premier, l'enfant Teflon versus l'hyperactivité et l'hyperexpressivité. L'atelier 2, qui est l'enfant Teflon versus son indifférence, sa non-culpabilité. L'atelier 3, qui est l'enfant Teflon versus le milieu familial. L'atelier 4, versus le milieu scolaire. La façon dont fonctionnent les ateliers, c'est que ça dure pendant 2 heures et demie. Il y a une période pendant laquelle Daniel Kemp élabore sur le sujet de l'atelier, une période pendant laquelle vous posez des questions, donc ça se fait de vive voix, les personnes qui sont là posent des questions et les réponses qui viennent avec. Une période pendant laquelle nous étudions des cas types d'enfants Teflon, donc c'est des études de cas. Vous pouvez vous inscrire ou téléphoner au CAETQ pour les dates d'inscription, ça commence en janvier, le 22. C'est le coût de quelques bouteilles d'aspirine. On commence avec les questions. Okay, il y a deux petits sujets que j'aimerais juste jaser un peu là-dessus au début. Bon, dans les solutions, on a dit qu'on était pour résumer un petit peu. C'est sûr que donner des raisons intelligentes, c'est des très bonnes, c'est la façon de travailler avec un enfant Teflon. Deuxièmement, devenir complice. Qu'est-ce que c'est devenir complice? On résume ça très brièvement en quelques mots. Là, il y a beaucoup de facettes pour y aller. Mais devenir complice, ça veut dire cesser de toujours lui donner tort uniquement parce que ça nous dérange qu'il ait raison. Puis aussi, devenir complice, ça veut dire de sortir du syndicat psychologique des adultes. Tel mon professeur de telle place ou telle personne que j'ai rencontrée, là, est idiote. Puis automatiquement, les autres adultes, ben oui, on n'est pas idiote, ça se peut pas. On défend tout le temps. Si toi, tu es un enfant, tu rencontres un adulte idiot, tu viens me le dire, puis moi, je le connais, moi, je te dis, ben oui, non, il n'est pas idiot, ben, tout ce que tu vas dire, voyons, s'il ne l'a pas vu, c'est qu'il est aussi idiot que l'autre. On est toujours en train de se défendre entre adultes, comme les mâles se défendaient entre eux autres. Puis je fais souvent le parallèle parce qu'il est tellement intime. L'enfant n'a pas les mêmes possibilités. Il faut que ça plus aider encore. Mais on doit aussi devenir complice puis cesser de toujours vouloir prendre la défense des autres adultes uniquement parce que le fait qu'ils sont adultes, nécessairement, ils ne peuvent pas être imparfaits. Mais devenir complice, est-ce que ça veut dire qu'il faut dire qu'il est idiot même s'il ne l'est pas? On verra aussi que, justement, pour travailler facilement avec l'enfant Teflon, on doit être capable de le rejoindre. Rejoindre l'enfant Teflon dans son rejet ou dans sa lutte contre un système ou un cadre veut nécessairement dire qu'on commence par être suffisamment sur son point de vue. Il y a un axiome en pédagogie qui dit qu'on doit toujours partir du point de vue de l'enfant pour l'éduquer et non pas du nôtre. Alors que traditionnellement, on part du point de vue de la société, des adultes ou du nôtre pour que lui monte à notre niveau. Puis si on est supérieur à lui, c'est à nous de baisser, c'est pas à lui de monter. Donc, on part de son point de vue. Un jeune qui te dit que se droguer, c'est très bon, tu lui dis, ben non, c'est pas bon. Bon, dites-moi que le pâté chinois, c'est bon, ben vous dites que c'est pas bon, on va jaser longtemps. C'est la même chose. Là, tu vas dire, oui, mais on n'est pas pour dire que c'est bon. Ben oui, on va lui dire que c'est bon. On va même lui dire qu'on en a pris de la drogue si on en a pris. On va même lui parler de ceux qui en ont pris, s'il y en a dans nos chums qui en ont pris. Puis quand on va en avoir jasé suffisamment, on va commencer à y expliquer pourquoi on n'en prend plus. Pourquoi notre chum n'en prend plus 2, 3, 4 semaines après, là, pas tout de suite. Et puis là, il va voir qu'on est suffisamment complice, puis si on change de cap, on a des raisons. Puis il ne dira pas, j'ai changé parce que je me suis rendu compte que ça faisait de la peine à ma mère. Non, j'ai changé parce que je me suis rendu compte que ça détruisait mon cerveau. Pour ça, on n'en prend plus. Ah, oh, toi, tu peux continuer à apprendre. Mais vous allez voir que c'est pas long que l'enfant Teflon il additionne bien plus vite qu'à l'école, puis il arrive à des résultats intéressants. La première chose, travailler avec un enfant Teflon, c'est de cesser de le voir malade, de le voir problématique. Savez-vous qu'est-ce que c'est le problème quand on a des enfants? C'est pas les adultes, puis c'est pas les enfants. C'est la vie. Hein? Si les enfants viendraient au monde, là, parfait. Il ferait le ménage de leur chambre. Il ferait nos commissions. Il mangerait puis laisserait la vaisselle propre après. Il irait à l'école puis il y aurait toutes les premières notes. C'est tellement facile. Ils ne viennent pas au monde comme ça. Puis l'enfant va vous dire, lui, si la société serait plus parfaite, si on nous donnerait les cadeaux qu'on veut, on aurait les jeux vidéo, on n'aurait pas besoin de travailler, pas besoin d'aller à l'école, ça, on serait tout à la naissance. On est vivant dans la vie, c'est une planète, ils viennent au monde, eux autres aussi, puis on se confronte les uns les autres alors qu'on devrait s'allier ensemble contre un problème, qui est tout ce que la vie amène. Alors, l'enfant n'est pas le problème, l'adulte n'est pas le problème, la stagnation est un problème, les stéréotypes, bon, la cristallisation, la tradition souvent est un problème. Elle est préservatrice de certaines choses. Mais en même temps, l'école étant le cadre social qui est mandaté pour développer l'enfance, est le cadre par excellence pour le limiter, l'enfant. Et ce n'est pas la faute des professeurs, ce n'est pas la faute des directeurs ou directrices, ce n'est même pas la faute de Claude. Le ministre de l'Éducation n'a rien à voir là-dedans. Ton petit neveu, s'il verrait, qu'est-ce qu'il dirait à propos de son nez? À Claude Ryan? Elle aurait long à compter. Alors, on doit voir, comme je dis souvent dans les écoles, c'est que le moindrement qu'on travaille avec un enfant, on doit devenir un peu philosophe. Puis il se heurte à un monde, là, puis toutes les réponses qu'on accepte collectivement, s'il était flon, non seulement il n'acceptera pas, deuxièmement, il va se faire les siennes bien avant qu'on y pense les nôtres. Puis après ça, il vient vous poser des questions dangereuses. 5 ans, grand-maman ou grand-papa est décédé, où est-ce qu'il est parti? Il est parti dans un monde meilleur. Ah, ben, pourquoi on va pas le rejoindre? Ah, pas de suite. Là, on va vivre, tu sais, plus tard. Franchement, chers parents, vous manquez d'intelligence ou de logique. Ouais, pourquoi pleurez-vous s'il est parti vraiment de meilleur? Ça, c'est autre chose. Ils sont hypocrites, ben non, ils sont jaloux, ben non, ils ont raconté des mensonges, s'il est parti pour un monde plus pire. Mais l'idée, surtout, c'est que, d'ailleurs, c'est ce genre de publicité-là qui fait que beaucoup de jeunes teflons se suicident par choix logique. Hein? T'as 50 chances sur 100 que les adultes aient dit la vérité, 50 chances sur 100 que t'aies raconté des... Quand tout le monde dans lequel tu es placé ne te va pas, ben, n'importe quel joueur va vous le dire, pile ou face, je m'en vais de l'autre côté. J'ai au moins plus de chances de réussir, à avoir un monde heureux. L'enfant va nécessairement poser un paquet de questions. Souvent, on base, bon, l'enfant va poser des questions sur le sexe. Tenez lors des cours de biologie, pas des cours de sexologie. On prend le sexe, on en fait une affaire totalement à part. C'est des cours de biologie que l'enfant a besoin. Après ça, il doit vivre dans un cadre où il est capable d'être socialement heureux. Il va apprendre à respecter son ou sa partenaire. Il va apprendre à connaître les maladies. C'est pas de la sexologie, ça. Le sida, là, c'est pas une question de sexe. Le sida, c'est une question de pathologie. Bon, on va dire aux jeunes, lave-toi les mains parce que c'est attraper des maladies. Mais c'est la même affaire. On continue dans les maladies. T'as des maladies transmises sexuellement, là, ou transmises de soi, IMTS. T'as des maladies qui sont transmises autrement. On complique tellement d'affaires. Puis l'enfant teflon, c'est pas long que toute notre complication, il passe à côté. Fait que là, il se fait sa propre éducation. Une chose, il y a beaucoup d'adultes qui, après avoir lu les livres ou quand je fais des conférences dans les écoles, de temps en temps en public, se reconnaissent comme teflon. Il y en a qui se reconnaissent à un point tel qu'ils commencent aussi à bouillir, à détester ce que le jeune ou ce que les enfants teflon détestent aussi. Ils commencent, eux autres même, ils ont toujours vu, mais ils ont peut-être expliqué qu'ils ont accepté, ils se sont intégrés, puis à un moment donné, ben là, ils finissent par se rendre compte que c'est comme si on arrive à un plafond, comme ton jeune qui vient te voir, puis qui te dit « moi, je suis bilingue, puis ils veulent me forcer à suivre des cours d'anglais ». Vous lui dites quoi? T'as raison. Première chose, devenir complice, crime, il a raison. Puis après ça, ben là, on va voir l'école, puis l'école vous dit « monsieur, madame, c'est pas vous qui allez venir nous montrer ». Là, tu retournes chez vous, puis ton fils, ta fille, elle a toujours raison. Là, tu te dis quoi? Je fais quoi? Après ça, on t'appelle, il a séché le cours d'anglais. On l'envoie une journée chez lui pour ça. Il a toujours raison. Il n'y a pas d'affaire à aller là. Puis en plus, on le punit. Tu fais quoi? Là, on te mandate pour le forcer à y aller. Il n'ira pas plus au cours d'anglais, tu ne veux pas. Il a raison. Tu fais quoi? Et tout à l'heure, il y a un parent qui me disait, bon, fais sauter l'école. Il fait, faites pas ça, il n'y aura plus d'école. C'est pas la solution. Mais nécessairement, on doit s'arranger pour rejoindre le jeune, on doit s'arranger pour être d'accord avec lui. Puis comme dans n'importe quelle structure, on ne doit pas devenir impatient. On doit laisser aux choses le temps de changer. C'est sûr que de temps en temps, on va dire, « Ouais, mais là, le moins, ils vont changer les choses quand mon jeune va être adulte. » C'est pas grave. Ça vaut la peine qu'on les change. Et puis peut-être ça va changer avant ça. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que quand je rencontre les policiers me disent, les travailleurs sociaux ne comprendront jamais ça. Quand je rencontre les professeurs, ils me disent, les directeurs et directrices ne comprendront jamais ça. Quand je rencontre les directeurs et directrices, ils me disent, ouais, c'est bien beau tout ça, on est totalement d'accord, mais comment faire comprendre ça aux professeurs? Quand je rencontre des psychologues, c'est souvent la même affaire. Il y a un problème, c'est qu'on est syndiqués. Fait que les parents, eux autres, il y a un syndicat moral. Les autres, là, comprennent rien, eux autres. Les directeurs sont dans leur classe sociale. les professeurs, les professeuses, là, professeurs, qu'on ne voit rien de ça. Puis les professeurs, eux autres, les boss, puis les policiers, eux autres, sont dans la rue, ils rencontrent directement les intervenants, ils leur mettent d'un bras pour aller les arrêter deux semaines plus tard dans la rue. Ils se disent, l'affaire qu'il y a, c'est qu'on devrait, à un moment donné, cesser de penser que l'éducation de l'enfant est une question de classe professionnelle, tu sais. Le parent qui n'est pas psychologue, qui n'a pas de diplôme, mais si ça fait deux enfants, ou trois ou quatre qu'il a, si ça fait 12 ans qu'il travaille avec des enfants, les siens, qui peut être psychologue en maudit, mais on va lui dire, ah, il est orgueilleux. À un moment donné, il est temps qu'on cesse. Parce que les directeurs et directrices, il y en a un Christy de paquet qui sont prêts à adapter. Je leur explique même comment faire un piège à Teflon, comment structurer une forme de chevalerie scolaire pour les enfants Teflon, pour les autres aussi. En tout cas, il y a tellement de choses. Il y a énormément d'écoles privées surtout, parce qu'elles sont plus libres. Il y a beaucoup d'écoles publiques qui voient l'intelligence d'eux. Et ils se heurtent toujours à « les autres ne comprendront pas ». Puis à chaque niveau hiérarchique de pédagogie, ils me disent la même chose. Personne ne va comprendre. Ils sont tous d'accord pour le dire. Alors, à un moment donné, il faut qu'on pense que faut laisser le temps aux choses de changer, mais ça change beaucoup plus rapidement qu'on peut penser. De toute façon, on est un allié monstre, l'enfant. Pouvez-vous me donner un exemple ou une raison intelligente qui change totalement le comportement d'un enfant Teflon? Bon, oui. Merci. Quand je dis, moi, raison émotive ne colle pas sur l'enfant Teflon. L'enfant Teflon, c'est un peu un adulte déguisé dans un corps d'enfant. Vous êtes tous des adultes, vous êtes tous des enfants. Simple. Et là, vous arrivez à l'adolescence, puis finalement, vous avez tous 18 ans. Vous allez vous acheter une automobile verte. Vous l'aimez. Et à un moment donné, pour des raisons particulières, vous devez descendre des États-Unis et rentrer au Mexique pour aller travailler au Mexique. Ou aller au Guatemala, traverser le Mexique. Alors, vous faites la file, puis il y a des milliers d'automobiles qui s'en viennent là aussi. Ça donne comme ça. Il y a un gros, gros glacier là, qui descend. À l'époque glaciaire a commencé. Là, mettez la raison que vous verrez. Bon. Arrivé à la frontière mexicaine, moi, je suis un douanier. Alors, je vous arrête, hein, je suis armé, puis je vous dis, votre automobile, on doit la peinturer en rose. Vous allez dire quoi? Vous ne voudrez pas. Moi, je vous dis, ouais, alors, premièrement, c'est la loi. Elle décrochait assez vite. En plus, tout le monde le fait. Deux raisons pour lâcher. Puis là, je fais venir les autres soldats, là. Puis là, on vous explique. Ah, de toute façon, peinturer ton char en rose, là, c'est juste un petit moment que t'as passé. De toute façon, t'es habitué. Tu oublies ça vite. T'sais, là, tu dis, hey, tu vois pas que tu déranges tout le monde. Est-ce que vous ne peinturez pas mon char en rose? On va tous vous donner les raisons émotives qu'on sert normalement à l'enfant. Puis vous, là, vous allez devenir des renégats. Vous allez sauter sur le douanier. Vous allez prendre une arme, vous allez tirer, vous allez vous pousser. Vous ne rentrerez pas au Mexique comme ça. Et vous allez voir d'autres personnes qui rentrent, qui s'intègrent aux autres, qui vont souffrir un peu, puis finalement, ils s'habituent. Puis ils vont aimer le rose. On ne dit pas, ils sont stupides. Non! Ils sont plus chanceux que vous parce qu'ils ont plus de facilité à être heureux. Mais vous, ça ne colle pas. Que voulez-vous qu'on fasse? On va vous donner du Ritalin? On va vous ralentir? À un moment donné, il y a le colonel des douaniers qui descend et qui vient vous voir. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'autorité suprême. Alors là, normalement, vous devriez plier. Vous ne plierez pas. Peinturez pas mon char en rose. Le colonel arrive, il va vous voir et vous demande, bon, qu'est-ce qu'il y a, là, vous? Là, moi, mon char est vert ou bleu, puis je rentre comme ça. On ne le peinture pas en rose. Sinon, je retourne. On peut dire, ben, retournez, on règle notre problème, pas le vôtre. Le Mexique, vous deviez aller. Mais le colonel va vous dire, je vais vous expliquer une chose, une raison intelligente. C'est parce que on a des problèmes présentement au Mexique avec la guérillera, puis ils tirent sur tout ce qui n'est pas rose. C'est pour ça qu'on demande. Bon, les douaniers voient tellement de monde passer qu'ils peinturent tout en rose que finalement, ils ont oublié de la raison intelligente. Ça devient pour eux autres, on peinture, on y va par là. Fait que si vous voulez rentrer au Mexique, pas de problème, on va même vous laisser rentrer en bleu. Mais les guérilleras tirent sur tout ce qui n'est pas rose, puis ça, c'est garanti. Là, vous allez peut-être dire, je peux-tu vous aider à peinturer mon char? Tout ce qui manquait, c'était la raison intelligente pour qu'automatiquement, l'adulte ou l'enfant, problème que vous êtes, tout réglé. Et on met tellement d'emphase sur tout le monde le fait, c'est la loi, c'est ici, c'est pas grave. Oh, t'es habitué vite, c'était niaiseux, t'es habitué vite. Au lieu de servir la raison intelligente, si on fait faire des choses à nos jeunes dans la société, il devrait y avoir des raisons intelligentes sous-jacentes à ça, qu'on ne leur communique pas de temps en temps. Là, on va dire, oui, mais regarde, il vient à l'école, c'est une raison intelligente. Plus tard, quand tu vas... Les adultes ne sont pas capables, en majorité, d'envisager une économie ou une vie sur les 5 prochaines années. C'est pas du long terme, ça. On demande à l'enfant qui rentre à l'élémentaire d'envisager sa jeunesse sur les 15 ou 20 prochaines années. C'est notre raison intelligente qu'on leur donne. Comme je l'ai mis dans mon livre, l'enfant Teflon, ça jubile chez lui, ça se promène. Pourquoi passer ma jeunesse à préparer ma vieillesse? Pour passer de ma vieillesse à regretter ma jeunesse. Bon. La raison, on devrait donner des raisons intelligentes, puis ça, ça solutionne tout. Puis il y a des raisons intelligentes à chacun des problèmes. Pourquoi dans l'un de vos livres, dites-vous que les punitions ne servent à rien avec un enfant Teflon? Vous êtes un enfant Teflon, vous avez 4 ans. Moi, il y a une piscine chez nous, dans la cour, je suis assis en train de boire mon jus, et puis je ne vous ai jamais interdit d'approcher de la piscine, parce qu'un enfant Teflon, lui interdire, c'est stupide. C'est comme nous dire, vas-y, j'aime pas ça. Alors, je voulais jouer dans la cour, et j'ai éliminé, par contre, ce qui pouvait vous permettre de grimper et de tomber dans la piscine. Ça, c'est un interdit matériel. Comme l'enfant Teflon est intelligent, il va développer son intelligence en surmontant les interdits. Les interdits matériels, comme on l'a fait, on a inventé l'avion, on a inventé la médecine nouvelle, on a inventé plusieurs choses. Il va surmonter les interdits légaux, comme on l'a fait, Révolution française, guerre de sécession, etc. Donc, il va nous désobéir. Surmonte les interdits. Ça développe l'intelligence. L'intelligence joue aux échecs avec ça. Alors, j'élimine tout autour de la piscine. Puis, à un moment donné, je vois mon jeune ou ma jeune qui approche, puis qui a réussi à se trouver des babelles, puis il assemble ça pour monter. Il est intelligent. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas montré à faire cela. Ce n'est pas de l'intellectuance. Il l'invente. Là, je le regarde, puis là, il approche du bord de la piscine, il a 4 ans. Est-ce que je saute pour lui sauver la vie avant même qu'il la perde, avant même qu'il se rie, qu'il la risque? Non! Je le laisse aller. Et là, il y a une feuille qui se promène sur la piscine, il essaie de l'attraper, puis finalement, c'est la feuille qui l'attrape. Il tombe dans l'eau, flac. Qu'est-ce que je fais? Je reste là, assis. Ma tisane, elle va refroidir. Mon jus, peut-être, va réchauffer. Je continue à boire. Et là, il gigote. Il fait un, il fait deux. Quand il est rendu à bye-bye, là, je me lève. Je m'approche de la piscine, je sors le jeune ou la jeune, puis je la sors de la piscine, je la rentre dans la maison, je l'essuie, je la change. Est-ce que je la punis? Elle a tout compris. Mais on ne fait tellement pas confiance à l'enfant. C'est pas ça le pire. On voulait pas qu'elle sache que c'est dangereux. On voulait qu'elle nous obéisse, qu'elle y aille pas. Bien souvent, c'est pour ça qu'on va punir. Si j'ai dit 4 fois de pas approcher puis qu'elle tombe dedans, quand je la sors, je la punis-tu? Si je la punis, là, elle est tellement perturbée que toute son attention là, est placée sur l'événement. Là, je l'engueule en plus, elle place toute son attention sur moi. Faut pas qu'elle approche de la piscine parce que je gueule. Elle va perdre la compréhension du danger. Mais on ne fait tellement pas confiance à l'enfant qu'on préfère qu'il soit inhibé de la piscine par peur de nous autres que par compréhension du danger. Et c'est ça qui brime les relations. Si c'est un enfant Teflon, il a tout compris. La punition sert à rien. Vous êtes un adulte, vous conduisez votre automobile, vous brûlez un arrêt stop. Moi, je suis policier de la Sûreté du Québec. Je vous arrête. Je m'en viens vous voir, puis là, je vous dis écoute bien, n'avez pas vu qu'il y avait un arrêt? Vous me dites non. Peut-être vous me mentez. Mais combien d'adultes mentent régulièrement? Combien d'adultes se plaisent à brûler des arrêts stop au risque de leur vie? Mais le policier considère déjà que de toute façon, vous mentez. De toute façon, il préfère ne pas perdre la face. Un sur mille qui ment, ça va à peine de donner des contraventions aux mille autres. Comme ça, on est sûr qu'on dort bien. Mais là, il y a différentes formes de policiers. Il y en a qui sont différents. Moi, je suis policier original, et puis là, je lui demande, « Savez-vous que c'est dangereux de brûler des arrêts stop? » Vous me dites « Oui. » »« En brûlez-vous souvent? » « Non, je ne l'ai pas vu. »« Bon, ben, allez-vous-en. Bonne journée. Faites attention. » Parce que si c'est moi qui m'en viens l'autre bord, je ne tiens pas à me faire tuer par vous. Une farce. Là, vous vous en allez. Vous n'avez pas eu de contravention. Qu'est-ce que vous allez avoir comme idée? Les policiers, ben, c'est plaisant de vivre dans une société de même. Par contre, vous rencontrez un autre policier qui sort du Duncan. Il vous arrête avec un peu de blaire autour des lèvres. Il vous pose les mêmes questions. Et puis il vous dit, ouais, mais de toute façon, là, moi, j'ai pas le choix, là, vous avez brûlé un restop, là, fait que je vous donne quand même une contredanse. Qu'est-ce que ça leur a comme idée du système policier? Toutes des mots de chien. Parce que si on vous punit avec la contravention, est-ce que c'est ça qui va vous empêcher de brûler des arrestops? Est-ce intelligent? Non! Si vous comprenez le principe, vous allez le faire. Pas besoin d'être puni. On vous fusse si on vous punit. Si par contre, vous en brûlez régulièrement, contravention ou pas, en brûler autant. Alors moi, je préfère risquer que vous m'ayez menti. De toute façon, punir, ça ne vous servira à rien. Puis de vous laisser partir. Si vous me dites que c'est intelligent d'arrêter. Si vous me dites, non, les arrêts stop, quand ils sont de même, là, quand c'est écrit arrêt, m'arrêter. Quand c'est écrit arrêt stop, je pose dessus. Deux contraventions. Une pour me défouler, puis une pour te punir. Mais comprenons l'idée. L'enfant Teflon, quand on le punit, premièrement, il a une puissance psychologique et on ne changera pas son idée par la punition. Donc, tant qu'on le punit, c'est parce qu'on n'a pas réussi à lui faire voir l'intelligence de ce qu'on lui demande. Bref, on le punit pour rien. On ne le culpabilisera pas suffisamment pour qu'il change de cap. Il va nous détester. On brise les relations et puis il va finir par penser que les adultes ou les professeurs ou les parents ou les hommes ou les femmes, etc., sont dans le même bateau. Alors que si on s'arrange continuellement pour trouver des façons pour qu'il arrive à comprendre ce qu'on lui demande, ou bien cessons de le lui demander. S'il n'y a pas de raison intelligente d'arrêter sans arrêt, ôtons les arrêts. Laissons-les pas là parce que ça a tout été là. L'enfant Teflon s'accorde-t-il bien avec un parent Teflon? Normalement, l'enfant Teflon est facilement individuel, il n'a pas besoin de plein d'amis. Il se trouve suffisamment intéressant qu'il ne s'ennuie pas avec lui-même. Et il peut avoir quelques amis. Avec un parent Teflon, ils vont très bien s'entendre si le parent Teflon est un éducateur Teflon. Parce que être parent veut normalement dire être propriétaire. Parce que être parent, il y a des parents qui sont de très bons éducateurs, mais des parents qui n'éduquent pas. Alors, être parent, c'est une chose. Si le parent Teflon devient un éducateur, Teflon, c'est-à-dire que si le parent Teflon n'essaie pas d'être le roi sur la montagne dans sa maison, alors que son enfant Teflon veut aussi être le roi ou la reine sur la montagne, bien, nécessairement, il y aura des problèmes, ça se passe comme ça, ils vont toujours être en train de se battre. Si l'adulte devient un éducateur Teflon, c'est-à-dire que si lui considère qu'avec l'expérience qu'il a, c'est à lui de plier pour par la suite diriger le jeune. Expérience confrontante, diriger, ça va aider. C'est une expérience qu'on fait faire aux jeunes pour qu'ils se confrontent à un problème qu'on vit dans la maison et on dirige parce qu'on ne se venge pas sur lui. Un exemple, jeune fille de 14 ans, elle laisse tout traîner en bordel chez elle. Les culottes, le linge, le sac d'école, les livres, tout, on est donc par-ci par-là. Elle mange dans sa chambre, on le sait, tout est là encore. Elle met sa vaisselle dans la laveuse. Sa mère y a demandé, son père aussi, elle la met. Avec le lustre du steak, on est donc dans la laveuse. Il y a un broyeur à déchets qui ont dit. Mais certainement, oui. C'est quand même pas un incendie qui va dans la sécheuse, dans la laveuse. Et là, tout est bordel. On a tout fait. On lui a expliqué les raisons intelligentes de la propreté. Comment? T'aimerais pas ça, vivre dans une maison propre? Oui. Elle aimerait ça. Quand vous faites le ménage, je suis bien content. Tu trouves pas que ça serait mieux si ta chambre serait propre? Oui. Non. On essaie toujours de les avoir par des raisons émotives. Là, à un moment donné, on va lui dire « Ta chambre, c'est ta chambre, le reste de la maison, c'est à nous autres. » Puis quand on arrive avec du monde, tu ouvres plein de bebelles. On n'aime pas ça. C'est un milieu social, c'est un milieu écologique, c'est un cadre familial. On a tout fait, elle veut rien savoir. Elle s'en fout. Non culpabilisable, puissance psychologique, elle va nous retourner ta grand vouloir. « Veux-tu sortir les vidanges? » « Oui. » C'est pas demandé de les sortir. C'est bon, si vous voulez. Peux-tu faire le ménage? Oui. Oui, mais tu m'as dit que tu le ferais. Comment dis-tu ça? Là, on s'engueule. Non, fais le ménage dans ta chambre. Oui ou non, on sera clair. Peux-tu le faire? Oui. Veux-tu le faire? Non. Là, le père, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il prend un autre de ses sous-vêtements, il les salit comme il faut partout dans la maison ou comme il voudra, puis il les met sur le lit de sa fille. Sa fille rentre de l'école avec son chat. Elle rentre dans sa chambre, là, il y a la bête de son père dans son lit. Le chat même pas ça, la fille encore moins. Et puis là, elle prend les bobettes, puis elle sort en beau, parce que faites confiance qu'un enfant Teflon, c'est un acteur ou une actrice, ça va vous jouer ça. Là, ça sort, vous devez vous sentir coupable, pas elle. Là, la jeune fille sort de là, elle se plante devant le bonhomme, puis là, elle lui dit, « Voilà, je n'ai jamais traîné mes bobettes dans ta chambre! » Là, le bonhomme, il se prend conscience, c'est vrai, « Jamais dans ma chambre. » Faut être vite. Bonhomme, il répond, non. T'es laissé traîner où ça te tente? Moi aussi. Parce que l'enfant Teflon, il va vous jouer ça, bimot, c'est génial la manipulation, puis il a toujours raison. Parce qu'il a toujours raison, pourquoi? Dans ces maudits mots, il a raison. On ne peut pas le rendre ça logique, il a raison. Là, c'est expérience confrontante. Là, elle vit ce que nous vivons, nous. Pourquoi c'est dirigé? Parce que c'est pas une vengeance, c'est pas un défoulement. Quand elle est prête à un compromis, on continue pas à la niaiser. Parce que la technique de récupération, on va la perdre. Elle est prête, on fait un compromis. Puis vous allez voir qu'un enfant Teflon, quand ça accepte un compromis, ça lâche pas, à moins qu'on lâche avant. C'est réglé. Alors, le parent, il faut que ce Teflon fasse ça. Tu sais, quand le parent dit au jeune, t'as raison, il aide, il sort de là, puis il donne raison, tu sais, qui dit qu'elle crachera pas dans ta salade, faut être Teflon. Il y a énormément. Il y a une personne qui me disait, moi, j'ai mon petit-fils de 4 ans qui, au forum, à un moment donné, a demandé à ses parents, il va avoir des cadeaux. Les parents lui avaient dit, si on a assez d'argent à Noël, on va t'acheter ce que tu demandes. Là, on approchait de Noël, ça fait un an, puis les parents, au forum, si demain, ça y revient, pendant une entraque. Là, mes cadeaux, moi, tes avoir, les parents disent, non, on n'a pas assez d'argent, fait qu'on ne pourra pas t'acheter exactement ce que tu demandes. Il s'est levé, il a descendu 4 marches dans l'allée centrale, puis il s'est mis à gueuler. Ça ici, c'est mes parents! Il a commencé à gueuler tout le monde. Ils n'ont pas d'argent, puis ils me comptent. Bon, il y a 4 marches. Puis c'est vrai. Et tu dis, qu'est-ce que l'on fait? Le parent Teflon, il se lève. Ça, c'est mon gars! Puis il fait même affaire. Qu'est-ce que ça change? Tout le monde va s'amuser. Ils vont en parler un petit peu. Ils vont l'oublier dans 2 semaines. Puis votre enfant, il va savoir que ce genre de conneries-là, il ne vous manipulera pas comme ça. Il va savoir que vous êtes respectable. Il va s'amuser ce soir-là comme jamais il s'est amusé. Puis là, on fait de la pédagogie, on reste allié avec l'enfant. Ça avait été mon plus vieux, il aurait fait une collecte dans le forum. Ah oui, lui, je le sais, oui. Il aurait fait une collecte, certain. Est-ce que c'est héréditaire? Bon, c'est un facteur dangereux. Je vais essayer de répondre rapidement aux questions quand même de plusieurs, qu'on répond à certains blocs. Héréditaire, oui. Est-ce que le parent est Teflon pour que l'enfant soit Teflon? Non. Donc, c'est génétique. Mais pas c'est héréditaire, c'est-à-dire qu'on parle de caractère récessif, de caractère dominant. Par contre, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une philosophie. La majorité des scientifiques s'entendent pour dire que la génétique est importante dans ce que l'être humain va être psychologiquement. Mais spirituellement et philosophiquement, l'enfant vient au monde égal. Toute notre structure scolaire est basée là-dessus. T'es un génie, ferme ta gueule, rentre dans les rangs. T'as de la misère à suivre, botte-toi le cul un peu, force donc, mets donc la volonté, puis suis donc. Et ça crée des problèmes totaux. Bon, les enfants qui sont trop intelligents deviennent hyper expressifs, pas hyper actifs. Alors, comme je dis souvent, vous donnez à Mozart un piano dans une classe avec 10 jeunes, vous donnez 5 notes sur son piano. Il faut qu'il apprenne, il y a 8 ans, il va apprendre à jouer du piano. Mais Mozart, à 8 ans, il a besoin de tous les pianos de tout le monde. Fait que là, avec sa petite note, là, il va grimper sur le piano, il va jouer dedans, il va se cacher dedans, il va couper des cordes, il va écœurer tout le monde, il est hyperactif. Donnez-lui un clavier, l'hyperactif devient virtuose. Bon, totalement différent. Alors, nécessairement, on doit voir cela. Continuellement, à travers tout ce qu'on va faire avec l'enfant Teflon, on va découvrir que dans certains cas, les parents le sont, dans d'autres cas, ils ne l'expriment pas. Je dis souvent que... Pourquoi j'aime pas trop quand on en parle, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. La génétique n'a rien à voir, ni dans la psychologie. Droguez-vous, vous changez, vous altérez votre corps. Prenez de la boisson, vous changez, vous altérez votre corps. Mais le corps n'a rien à voir, bon, philosophiquement. Deuxièmement, tu as une tribu de Pidjandjara en Australie, ils sont traditionnels depuis 2500 ans. Subitement, il y a un enfant qui vient au monde, il est totalement Teflon, la tradition ne veut rien savoir, il devient un chef, il crée une nouvelle forme de vision théologique, il crée des armées, il rentre en guerre, il colonise. Puis après ça, on le rentre dans la tradition, puis on l'adore lui avec. Est-ce que c'est le milieu qui l'a créé de même? Non. C'est différent. Alors ça, il faut qu'on se le rentre dans la tête à un moment donné. Génétiquement, il y a un facteur qui vient là, puis le milieu va exploiter ou inhiber ce que t'es. Je disais dernièrement, puisque là, il est totalement d'accord avec moi, si les enfants naissent égaux, parce que ça plaît, tu sais, Dieu ne peut pas les créer inégal, le système était très théologique ici à l'époque, si les enfants naissent égaux, puis que c'est le milieu, pourquoi quand on va voir un dresseur de chien, lui va nous dire, le dresseur est important, mais la matière de base est primordiale. Il va aller voir un paquet de chiens, prenons les chiens pour les aveugles. Est-ce que tous les chiens servent? Non. Le gars va voir, puis regarde, le chien là, qui se lève, qui pousse les autres, qui sort de la boîte, lui, on le retire. Lui, c'est un bon potentiel. L'autre en arrière, là, qui se demande, oh, qu'est-ce qui se passe, on le laisse dans la boîte. Bon. La génétique est importante. L'enfant Teflon n'est pas supérieur à l'autre, mais effectivement, ça ne se guérit pas. Alors, puis ce n'est pas un facteur dangereux. C'est comme un être humain qui est toujours en train de vouloir aimer les autres. Est-ce que c'est dangereux? Non. Mais si le cadre social ne se prête pas à ça, il va souffrir. Si le cadre social se change pour accepter ça, puis de problème. L'enfant Teflon, c'est la même chose. Il a besoin de raisons intelligentes, les raisons émotives ne collent pas. Il a besoin de respect. Après, il y aura la communication. Après, il y aura l'affection. Il appelle ça l'amour. Alors, traditionnellement, bien-être, sécurité, affection. Après, peut-être respect. On appellera ça l'amour aussi. Est-ce que l'enfant Teflon a rapport avec un enfant visuel ou auditif? La majorité des enfants Teflon sont et visuels et auditifs. Ils deviendront facilement autodidactes si on n'inhibe pas le goût d'apprendre et de lire en bas âge. Exemple, je veux vous faire faire de la gymnastique. Vous n'aimez pas la gymnastique? Vous arrivez en retard. Vous aimez ça, mais vous en foutez un peu. Bon, vous arrivez en retard. 20 push-ups. Je vous punis avec le cours que je veux vous donner. Comment allez-vous aimer la gymnastique si continuellement, c'est, je m'en sers comme punition? Cours de français, je vous punis avec une copie en français. Voyons donc, moi, je donnerais une copie en histoire ou en géo, pas en français, qu'elle aime le français. Mais auditif, visuel, la majorité sont les deux. La preuve, l'enfant Teflon va adorer, vu la vitesse de son cerveau, c'est d'ailleurs pourquoi il devient hyper expressif rapidement en classe ou à la maison, il va adorer les jeux vidéo, qui est une plaie, parce que le jeu vidéo, c'est un Valium pour enfant Teflon. Le jeu vidéo, l'avantage qu'il a pour le jeune, c'est qu'il ne joue pas au premier niveau. Hein? Faites-vous en pas que ça joue vite en maudit. Son cerveau est capable de fonctionner avec ça. Et le son est important et le visuel est important. Qu'est-ce qu'on fait aux États-Unis avec les enfants, avec certains enfants Teflon? Ceux qui ont vu le film Top Gun, il y a un petit maudit là-dedans qui s'appelle Maverick, c'est un missile air-sol. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'avec un F-16, il s'amuse à passer puis en Mach 1, à briser le mur du sang à côté des tours de contrôle. Alors, nécessairement, tout le monde en dedans revole un peu partout. Puis on le punit, on le massacre, on fait n'importe quoi, on lui fait peur, change rien. Finalement, on l'envoie à l'école d'élite Top Gun. À cette école-là, c'est la folie furieuse. Mais pourquoi qu'on envoie les Teflons-là? C'est les seuls, même si on a des maudits problèmes avec eux autres, ça boit, ça fait des batailles, on les garde. C'est les seuls capables de piloter un F-16 à une rapidité dans des formes aériennes que l'humain normal ne peut pas soutenir. Vous le placez dans une automobile, il roule à 180, il va bien trop vite, il va bien lentement. À 100, il s'endort au volant. Ça fonctionne bien. Alors, il faut trouver un cadre approprié. Bon, le jeu vidéo est un exutoire de l'hyperactivité. Donc, chez l'enfant hyperexpressif, parce qu'il y a des enfants hyperactifs qui sont hyperactifs. On doit les soigner en thérapie ou même avec des médicaments, parce que le médicament, même si on n'aime pas ça, mieux vaut un médicament qu'un problème plus grave. Mais il faut faire attention pour ne pas soigner un hyperexpressif en tant qu'hyperactif. Sauf que le jeu vidéo, à un moment donné, l'enfant est toujours en communication avec. Le jeu est patient, le jeu fait ce qu'il veut, l'enfant peut jouer avec, au rythme qu'il veut jouer, sauf que ça devient une drogue. C'est comme un promeneur, un walkman. Coupe de l'univers au complet, puis c'est fini là. C'est très dangereux. Mais l'ordinateur est intéressant, mais pas le jeu vidéo. Mon gars qui était flon n'a guère d'amis et n'est pas aimé. Que faire pour qu'il en soit moins affecté? Bon. Premièrement, s'il est affecté, il faudrait qu'on sache comment il est affecté. C'est évident, je ne peux pas répondre clairement à toutes les questions ce soir. Premièrement, en est-il affecté ou si nous croyons qu'il en est affecté? C'est une question à se poser. Il peut l'être, là, mais quand même. Deuxièmement, est-il affecté parce que le cadre essaie de le normaliser et il souffre plus d'être anormal, puis il lutte pour être normal puis anormal, peut-être plus que le problème qu'on considère. Il n'est pas aimé, il faudrait qu'il apprenne peut-être par l'expérience confrontante dirigée un cadre social. On avait un jeune dans une école élémentaire qui, quand il se promenait, il passait son temps à bousculer tout le monde. Il est plus jeune, il est plus petit, tout quoi. Et évidemment, personne ne l'aimait. On le craignait. Il y avait des amis qui le craignaient. C'était pas des amis. C'était des gens qui savaient que dans son ombre, il recevait plus de claques de lui. Du moins, c'est des claques amicales, aussi fortes qu'amicales. L'expérience confrontante dirigée, parce que les professeurs ont tout fait pour que l'enfant cesse de bousculer tout le monde. Tu te rends pas compte de ce que ça fait, etc. Il y a un professeur suffisamment Teflon qui a accepté. Il est passé dans le corridor. Quand il a vu le jeune, il est allé rentrer dedans. Bang! Le jeune a revolé un peu ses cases. Pas fort! Pourquoi? Parce que c'est pas de la vengeance qu'on fait. Mais juste assez pour le frustrer. Le jeune est parti à gueuler, puis l'autre il a fait « T'as qu'à pas être là! » Même explication que le jeune nous donne. C'est parti. Après 4-5 fois, le pédagogue est passé, Là, le jeune s'attendait à le recevoir. Le pédagogue a arrêté, il a fait le tour. Il a continué. Le jeune n'a pas compris. Puis le jeune a même été voir le pédagogue. Là, pourquoi tu m'as pas bousculé? T'aimes plus ça? Puis le pédagogue a commencé à répondre, non, dernière fois je t'ai bousculé, je me suis fait mal. Je trouvais ça niaiseux. Puis en plus, ça me perd de l'énergie. Puis troisièmement, il vient un moment donné que je te cherche partout pour te rentrer dedans. Puis je me suis rendu compte, c'était con. Puis il est parti. L'enfant Teflon, on ne le moralise pas, puis on n'y en donne pas trop. Lui avec, il a fini par penser que lui avec, il faisait mal des fois. Puis etc., etc., etc., progressivement, il a arrêté de bousculer tout le monde. Est-ce qu'il était plus aimé? Non, c'est parce qu'il faut qu'on fasse attention. La psychologie n'est pas une question de résultat dans les médias termes. Il faut laisser le temps aux choses d'aller. Là, déjà, il ne bouscule plus personne. Bon, il est peut-être encore violent par sa parole, mais progressivement, il va finir par de toute façon, l'adulte en question devient déjà un de ses amis. Puis le jeune le respecte. Bon, et puis, il faut laisser le temps un petit peu, puis il faut faire confiance, ça fonctionne bien. Au niveau du travail, je me reconnais Teflon, 33 ans, séparé avec charge d'enfant, dont une Teflon. Je n'ai pas de métier stable, j'ai un tas de talents, mais aucune méthode. J'ai déjà répondu. Pour en vivre. Oui, tout à l'heure, dans le corridor. À la même personne? C'est que le Teflon est souvent stable dans son instabilité. Et on a socialement l'idée que quelqu'un qui a un emploi et qui le maintient pendant 15 ou 20 ans, c'est quelqu'un qui est stable. Sauf que c'est préférable, moi je change d'emploi régulièrement. Parce que quand ça me plaît plus, je change d'emploi. Oui, mais si tout le monde ferait ça, on a toujours peur, hein, que si tout le monde ferait ça. Puis si tout le monde ferait ça, je m'en suis retrouvé d'autres. Puis les emplois que j'avais, je les aimais assez que je travaillais bien, assez que les patrons ne voulaient pas que je parte. Si tout le monde ferait ça, on serait donc très, très correct. Et puis, tout le monde ne ferait pas ça. Ça, c'est un bon point. Alors, la personne, elle change d'emploi souvent. À un moment donné, comme tout à l'heure, je lui expliquais, c'est qu'elle retourne donc un peu dans des librairies ou à la bibliothèque. Parce qu'elle se dit, à un moment donné, j'aurai toujours un point où ce qui me manque de... Alors, n'importe qui est capable d'être autodidacte. On n'a pas besoin de suivre les cours de quelqu'un. Puis même là, tu peux même aller à l'université puis être un observateur non inscrit. Bon, tu peux poser des questions à des gens. Va chercher ce que tu as besoin. Fais-toi confiance. T'es la matière première. C'est même pas du positivisme, c'est évident. Puis là, il fait en trouve des emplois. À un moment donné, il va finir par trouver son trou. Ça va être gros dur là-dedans. Vous dites que l'enfant Teflon ne fera pas ce qu'il n'aime pas. Comment lui faire comprendre et accepter qu'il doit avoir un minimum de connaissances, exemple en français, pour réussir dans notre système actuel? En tant que parent, on doit lui donner certaines raisons. C'est évident que si on peut rencontrer les professeurs, si les professeurs sont d'accord, s'ils reconnaissent au moins l'enfant Teflon pour accepter des changements dans les explications, parce que l'enfant Teflon, un des grands problèmes, c'est qu'il t'oblige à réfléchir. Parce que tes réponses habituelles, là, ça pose jamais. Donc, faut que tu réfléchisses, puis là, pour bien du monde, là, hein, puis il claque, puis les petits boutons, ça serait peut-être mieux. Pour qu'il aime le français, ou etc., ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on s'arrange. L'enfant Teflon vit dans l'immédiat terme. La structure est basée sur le long terme. Il faut que l'enfant ait des raisons d'apprendre le français qui lui amène des résultats dans l'immédiat terme. Je suggérais à un moment donné à certaines personnes, mais payez donc vos enfants pour qu'ils apprennent le français. Non, pas vous commencer à payer pour l'école. Pourquoi? On ne doit pas les payer pour qu'ils fassent la vaisselle, ni pour qu'ils pètent l'entrée du garage. Mais ça, des fois, on le fait. Ça, c'est le cadre social. On vit ensemble là-dedans. On en bénéficie ou on n'en bénéficie pas. On ne se paye pas mutuellement. Mais pour aller à l'école, c'est un emploi. C'est son emploi. Bon, à un moment donné, le jeune, il finit par décrocher aussi du milieu scolaire pour un paquet de raisons, dont le fait de vouloir se trouver un petit emploi, puis etc., quand ils sont rendus à 14, 15, 16 ans. C'est pas donner un gros salaire, mais c'est déjà une raison d'être. L'histoire. Comment peut-il aimer l'histoire? Si on ferait une comparaison entre ce qui se passe présentement dans notre société et ce qui s'est passé chez les Romains, chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, si on pourrait faire des parallèles pour qu'ils comprennent un peu que l'histoire, ça a une utilité autre que de juste savoir qu'on s'est toujours cassé la gueule dans le passé. C'est s'il y aurait un parallèle dans l'immédiat terme. Tu fais de la biologie, tu fais des mathématiques. S'il y aurait quelque chose à gagner avec ce qu'on te montre aujourd'hui, pas un étampe dans un cahier. Pour l'enfant Teflon, c'est émotif. Ça, il n'y a rien à foutre avec ça. Bon. Mais quand tu as ton examen de mathématiques de réussite, là, tu as un salaire. On te permet de faire telle chose à l'école. Tu gagnes un camp à neige. Ça se fait aussi de temps en temps. Mais on applique ça ectopiquement. À un moment donné, dans le coin de Sherbrooke, je crois, je peux me tromper, on a fait une expérience pilote. Moi, ce qui m'enrage, c'est qu'on fait des expériences pilotes pour se rendre compte que ça marche. Après ça, on les oublie dans la brume. Expérience pilote, les jeunes qui aimaient faire du ski, on leur faisait faire une classe de ski, puis ça a duré, je crois, plusieurs mois. il y avait l'école, puis quand il réussissait suffisamment bien, dehors, pis là, il y a un moniteur de ski, puis on en fait du ski. Ah, puis les jeunes, il y avait la moitié de la journée en ski, la moitié à l'école. Mais dans la moitié du temps normal, il y avait des très, très bonnes notes. Alors, on en masse de temps pour les éduquer. Mais il y avait le ski de l'autre côté. Puis quand ça allait pas, le ski en faisait pas, il restait là. Faites leur confiance, c'était pas long qu'ils se démerdaient. C'est un salaire. Bon. Il y a autre chose. Les professeurs souvent disent, on n'a pas le temps d'éduquer parce qu'on a trop de matière à passer, il faut instruire. Encore une fois, je reviens à la même chose. Si je dois vous montrer à comprendre la façon dont parvient la formule E égale MC2, à soir, après une heure, vous n'avez pas compris grand-chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à foutre avec ça. Si vous seriez intéressé à ce que j'ai à vous enseigner, bien, en une demi-heure, vous l'auriez tout compris. Alors, vu qu'on essaie de mettre plein de matière dans des jeunes qui font tout pour l'avoir, on n'a pas le temps. Alors, moi, ce que je suggère souvent, c'est que ta matière, là, aux poubelles. Regarde le ministère, il va chialer plus ses examens. Commence par te faire aimer de ta gang. Commence par aimer venir dans ta gang. Commence par aimer travailler. Donne-leur le goût d'être présent. Puis après ça, tu vas pouvoir commencer à passer ta matière. Il y a bien des affaires qui vont passer facilement. Je connais des professeurs qui expérimentent. Il y en a toujours qui ont fait ça. Ça a toujours bien marché. La majorité privilégie trop l'instruction sur l'éducation puis sur le plaisir de venir à l'école. L'école doit être un terrain de jeu. Pas pour jouer tout le temps, mais se plaire. On peut jouer émotivement, on peut jouer affectueusement, on peut apprendre des choses qui nous servent. L'enfant est emballé d'apprendre des choses qui servent à quelque chose. Quand un garçon de 8 ans est plus préoccupé de l'argent jusqu'à en voler, quoi faire? Il aime l'école, il est premier de classe. Ben, il faut, c'est le temps de s'arranger pour lui ouvrir un compte en banque. Au moins, s'il en voit, qu'il en dépasse pas tout. Qu'il en dépose. Après ça, c'est fortement le temps, possiblement, ça dépend de l'enfant. 8 ans, il faut voir s'il aime l'argent. Est-ce qu'il aime la sécurité de l'argent? Est-ce qu'il aime le fait d'avoir de la puissance avec l'argent? C'est bon d'en discuter avec lui. Faut pas le punir parce qu'il vole. Faut lui dire que nous aussi, on vole de temps en temps. La preuve, on a même des journées de maladie. On ne rentre même pas travailler pour les payer, tu sais. Bon. Là, tu deviens complice. Il va vouloir jaser avec toi. Et puis, progressivement, il faut s'arranger pour qu'il comprenne ce que c'est que la finance. Si on ne le sait pas, instruisons-nous. Puis on va s'arranger aussi pour lui parler d'écologie. L'exemple le plus évident, c'est que quand j'étais jeune, moi, je faisais du vol à l'étalage. C'était logique et intelligent. J'avais plein d'affaires, je ne payais rien. Bon. Même des restaurants, on piquait des papiers de toilette. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je suis rentré très vite dans un restaurant. Puis j'avais extrêmement envie d'aller aux toilettes. Je suis rentré aux toilettes, puis un téflon était passé avant moi. Je m'en suis pas rendu compte. Je me suis assis, je fais ce que je vais faire. Après ça, ben, je me suis rendu compte que c'est pas unique, la planète. Ah, j'ai appris des choses. Mes parents avaient tout fait pour que je cesse de voler. Oui, non. Mais là, tu comprends. Mais en plus, c'est quand le dépanneur du coin a fait faillite parce que toute ma gang, on allait voler là. Quand ma mère, mon père me disait, va-t'en aller chercher du pain. Il fallait que je marche 20 coins de rue plus loin à l'autre dépanneur à chercher du pain. J'ai appris c'était quoi l'écologie. Pourquoi il fallait pas voler? Parce que ça te devenait stupide. Tu détruis quelque chose qui peut grimper que tu vas te servir. Il y a des façons de jaser avec l'enfant, puis là, il serait temps justement qu'on parle finance de temps en temps, puis qu'on s'arrange pour voir si... qu'on s'arrange pour lui donner des façons d'aller chercher de l'argent. Autre qu'en volant, en lui expliquant l'écologie de ne pas voler. C'est sûr que je vous donne ça comme ça. Attendez-vous pas en éducation d'avoir une solution type, là, que vous arrivez avec ça, là, tu sais, vous mettez la cassette, écoute ça, paf, tu compris. C'est l'intervenant qui est la solution. Si on comprend de quelle façon l'enfant Teflon fonctionne, on va ajuster notre façon d'intervenir avec lui. Mais c'est les intervenants qui sont la solution, c'est pas ce que je dis. Daniel, que faites-vous d'un enfant Teflon devenu adulte? Lui, trop tard pour l'éduquer. Qui s'éduque tout seul. Je travaille avec plein de monde Teflon, on est tous patrons. Pas choix. Puis quand on va engager des employés, il faut engager quelqu'un qui n'est pas Teflon. Sinon, ah boy! Ça va faire prendre de glace. Je suis Teflon et j'ai une fille de 9 ans qui l'est. Je viens de découvrir que je le suis. Avec tout ce que cela m'a valu de problème, comment agir envers ma propre fille alors que moi-même, je n'ai pas trop de stabilité? En passant, merci de tout le travail que vous avez fait pour partager vos découvertes. Je commence à mieux me comprendre et surtout m'accepter ainsi que ma fille. Bon, ce qui est très, très, très important, bon, on répondra peut-être pas à toutes, mais dans ce que je dis, ça, quand même, ça coupe beaucoup de questions. C'est qu'on doit cesser de, pour travailler avec l'enfant Teflon, puis c'est même très bon socialement. On doit cesser de toujours prendre comme acquis toutes les structures traditionnelles qu'on a depuis longtemps. Même les structures neuves, tout doit être changé et amélioré. Tout est améliorable. Alors, on va dire, par exemple, bon, moi, qu'est-ce que je dois faire avec ma jeune fille, surtout que je suis instable moi-même? Est-ce un défaut d'être instable? Je connais plein, moi, de stables. Je connais même des constables qui sont malheureux. Mais ils sont stables. C'est comme le père, la mère, ils ne divorcent pas. Puis ils sont fiers de dire qu'ils ne sont jamais divorcés. Puis ils sont détestés toute leur vie. Alors, à un moment donné, il y a des choses qui doivent changer. On doit viser différemment. Il y a beaucoup d'enfants téflon qui font tout pour que le père et la mère se divorcent. Parce que après ça, ils sont libres. Plus de chicane dans la cabane. Quand il va aller voir la mère, il va. Quand le cadre, il plaît plus, il change, le bonhomme. Il y a beaucoup de téflon qui font cela et qui aiment bien ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est à cause qu'il s'est séparé que ça existe, là. Nuance. Mais on doit changer différents stéréotypes. Parce qu'ils étaient bons, ils sont peut-être encore bons dans certains cadres, pas bons dans n'importe quel cadre. Vous êtes des parents, vous avez un enfant. Vous ne voulez pas rentrer travailler aujourd'hui? Roll-ball. Vous téléphonez au patron, vous lui contez la menterie que tout le monde connaît. La vérité ne passe pas, vous devez mentir. Après ça, vous passez à l'école chercher votre enfant, puis vous sortez votre camp faire un tour de ton campagne. Mais oui, mais son éducation! Il vit pour commencer! C'est un humain! Vous aussi! Vous en avez besoin, puis lui avec. Il va garder le goût de vivre, garder le goût d'être avec vous. Il va être capable d'écouter ce que vous allez lui dire. Il va reprendre bien plus vite que les autres qui ont manqué. On n'ose pas. Deux choses. Un petit jeune arrive à l'école, habillé avec des jeans, avec du gazon dessus, tout ça, là, puis un chandail avec un peu de conneries. Bon, il vient, c'est cool. L'autre jeune, il arrive, puis lui, habillé tout propre, pantalon de ville, souliers de ville, plus ou moins ciré. Là, bon. Lequel des parents s'occupe de son enfant? Traditionnellement, on le sait. C'est pas le petit là, que ses parents sont sans doute sur l'assistance sociale. Là. Tu sais, il devrait au moins changer de culotte, c'est quelqu'un qui est tout crotté. C'est vrai qu'on apprend bien moins les mathématiques quand on est tout crotté, c'est évident. Par contre, peut-être que les deux s'occupent de leurs enfants. L'une s'en occupe traditionnellement, elle veut que son enfant, elle veut que tout le monde pense que c'est un bon parent. L'enfant, lui, c'est le médiateur pour que tout le public sache que je suis honorable comme parent. L'enfant comme tel, c'est pas grave. Parce que l'enfant, quand il s'est à côté c'est un mur puis qu'il rentre un peu sale, on le punit. Parce que le petit maudit, la petite maudite, là, ça écouterait, là, ça comprendrait. Tandis que l'autre qui est habillé pour pouvoir jouer dans le gazon, s'accoter ses murs puis salir, celui qu'on lui laisse être un enfant, beaucoup de gens vont dire que ses parents ne doivent pas s'en occuper. On doit accepter de changer certains stéréotypes de l'éducation et de notre vie. On facilite énormément d'affaires. Le professeur, mon garçon a 7 ans, le professeur dit qu'il faut qu'il voie un intervenant parce qu'il a des problèmes, il est invivable à l'école et aussi des problèmes dû au fait qu'il fait ses lettres à l'envers comme... pas tout seul, le mien aussi. Comme les S73. Le nom de l'écrivain à l'envers. Moi, je dis que c'est dû beaucoup à ce qu'il est gaucher. Moi, même si j'en suis une et j'ai de la difficulté avec le fameux BD, le B, les D qu'elle fait à l'envers, et j'ai 30 ans. Bon. Premièrement, l'enfant peut avoir un problème visuel, peut avoir un problème cérébral très mineur. Il y a des problématiques qui existent qui font qu'un enfant peut avoir des problèmes d'apprentissage. Ça, c'est une chose. Parce que c'est pas parce qu'un enfant est teflon qu'automatiquement, s'il y a des crises d'angine, c'est psychologique. Il peut faire des infarctus aussi. Alors, être teflon, c'est un facteur. Il peut aussi avoir des problèmes qui sont tout à fait normaux au niveau de l'apprentissage, au niveau de la compréhension cérébrale de ce que les yeux amènent au cerveau. Bon, c'est une chose à voir, on vérifie avec une personne. Par contre, le fait que ce soit gaucher, c'est pas un problème. La société est problématique un petit peu, quand tu ouvres une porte, tu tournes d'un bord, etc. Mais ça, on s'habitue, puis en plus, on développe notre isométrie. Les gauchers, dans une société comme la nôtre, ont presque un avantage. Parce qu'ils doivent développer les deux hémisphères un peu plus que celui qui travaille juste du côté gauche, parce qu'il est droitier, puis l'autre hémisphère s'endort. Bon. Chose qui est évidente, c'est qu'on ne doit jamais punir l'enfant pour ce problème-là. On doit... Je reviens encore une chose. Il apprendra bien à écrire un jour s'il accepte d'apprécier de vivre avec vous autres. Donc, on doit continuer à lui montrer. Mais on a toujours peur. Oui, mais regarde, il prend du retard. Il prend du retard. C'est peut-être le premier qui va se trouver un emploi plus tard. Parce qu'il apprend à vivre, il apprend à se démerder, il apprend à fonctionner, puis il apprend à supporter des choses qu'il a lui. En plus, en tant qu'éducateur, que ce soit parent ou professionnel, on doit conserver la liaison avec le jeune bien avant de commencer à impliquer notre structure. Bon. Des problèmes, il est invivable à l'école. Est-ce que l'école est vivable pour lui? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-il invivable à la maison? Il y a beaucoup de parents qui me disent, moi, à la maison, ça va bien, mais que j'ai assez peur quand ils vont rentrer à l'école. Puis il y en a d'autres, à la maison, ça va bien, mais à l'école, c'est pour ça que je vous le dis, il faut qu'on commence à changer les choses. S'il est efflant, c'est à vous de voir, intelligent, développement psychologique précoce selon la phase traditionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on sait si un enfant est intelligent? L'intellectuel, ça se mesure, test, quotient intellectuel. L'intelligence, ça s'apprécie. Je dis souvent à des professeurs, bon, le jeune que tu me parles, est-ce qu'il est intelligent? Oh oui! Est-ce qu'il est bon à l'école? Oh non! Nuance entre intellectuance et intelligence, et ça, n'importe quel adulte peut le faire. Ça s'apprécie. Est-ce qu'il fait des farces subtiles, des farces neuves? Oh, il est intelligent. L'intellectuel, il répète les farces qu'on connaît tout le monde. Bon. Est-ce que de temps en temps, il fait des jeux de mots avec ce que tu dis? Oh oui! Il est intelligent. Pas intelligent, il est aiguissable. Il est intelligent. Bon. Vous êtes frustrable, c'est peut-être mal paramétré, c'est correct, il est aiguissable. Il est intelligent. Est-ce qu'il a un développement psychologique précoce? Ben, des fois, il dit des choses que je me demande bien où est-ce que... C'est ça. Mais ça, c'est pas la télévision, ça? Passe partout? Oui, non, on passe pas partout. Non, pas passe partout. Quelque chose, hein? Et souvent, on va dire, oui, mais regarde, là, comme il y a des enfants qui font une interview, ils parlent de l'écologie. C'est des adultes, leur ont dit quoi dire? Si l'enfant retient ça de toutes les conneries qu'on leur a dit, c'est qu'il est écologique chez lui. Bon, quand une jeune fille dit, c'est vrai que les femmes, ils se font massacrer. C'est pas parce qu'elle a appris ça. Si elle est capable de s'en rappeler et de le dire, c'est qu'au fond d'elle, à un moment donné, elle va crier de par elle-même. On doit cesser toujours de les prendre comme s'ils étaient juste des mémoires, des magnétophones. Il est invivable à l'école. Il faut voir quel genre de cadre il a à l'école, quel genre de professeur il a à l'école. Il faut voir s'il est teflon. Et puis par la suite, il faudra s'arranger pour être complice avec. Possiblement que l'école est difficilement vivable. De plus en plus de professeurs sont au courant du phénomène Teflon. On peut communiquer avec les professeurs un peu. S'ils ne sont pas au courant, il faudra un jour les mettre au courant. Mais il faut faire attention. Parce qu'on ne peut pas punir l'enfant parce qu'il est invivable à l'école. Prenez Mozart, battez-le tant que vous voudrez. Parce qu'au cours de piano, il est invivable. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait qu'on donne un cadre différent. On ne peut pas. Pouvons pas. Mais disons-lui qu'on peut pas. Puis disons-lui qu'il a raison. Puis disons-lui qu'on va s'efforcer ensemble de trouver des solutions. Puis disons-lui que, bon, il va à l'école, puis il chiale moins, puis une fois de temps en temps, on s'arrêtera notre camp quelque part ensemble. Soyons d'accord avec lui. Devenons un peu plus complices. Ça va déjà énormément aider. Moi, je suis un jeune, j'haïs l'école. Mon père, ma mère, mon oncle, ma tante, quelqu'un, un adulte dans l'eau, c'est mon chum, c'est mon ami. J'ai plaisir à jaser avec lui. Ensemble, on déteste tous les deux les mêmes choses. Mais je me rends compte que lui, il se déprime pas, même s'il déteste. Alors je me dis que moi aussi, il y a donc possibilité d'arriver à vivre là-dedans. Puis peut-être qu'on peut changer des choses. Ce qu'on peut pas changer, bon, on changera pas. Mais il y a des facettes à découvrir qui sont intéressantes. Un ami, puis on règle pas le problème de l'école, on règle le problème du jeune. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, je me sens enfin normal. J'aimerais que mon gars soit heureux aussi. Je ne peux changer le monde et les cadres seulement moi-même. Que ferez-vous, vous, pour vous imposer plus dans toutes les écoles, même s'il refuse? Est-ce que vous iriez jusqu'à leur envoyer une cassette? Coupou! Une chose qu'il faut savoir, premièrement, il y a des personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas. Alors, s'ils ont de l'information, subitement, ils vont faire la même chose que vous. Paf! Bon, alors, pourquoi pas? Une chose qui est évidente, et là, je reviens encore avec le mot du syndicat des hiérarchies. Le professeur va voir le directeur pour lui dire qu'on devrait faire ça dans l'école, bien souvent, il refuse. Pas partout! Il y a des directeurs et directrices qui sont bien ouvertes. Un parent qui va voir l'école pour lui dire quoi faire. Pas partout! On doit cesser de faire ça. Vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes chômeur. Puis... vous pouvez être les meilleurs pédagogues du monde. Puis on peut être professeur, être psychologue, peut être les meilleurs pédagogues du monde. C'est évident qu'il faut qu'on fasse le coup. Mais il y a des choses que je suis en train d'organiser avec énormément de personnes, parce qu'il y a des associations de parents, de professeurs, de directeurs, etc., avant-gardistes, là, qui vont se mettre sur pied. Alors les individus vont donc avoir suffisamment d'informations. Et ça permet quoi? Ça permet que quand une école te dit « n'existe pas », paf, 50 psychologues qui disent que ça existe, 800 parents, 400 professeurs, etc. Ça existe peut-être pas, là, mais il y a du monde fou à maudit sa planète. Bon, ça crée des choses comme ça. En plus, il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de s'organiser lentement, socialement, pour permettre aux enfants qui sont pas téflons d'avoir accès à une société qui va leur ouvrir ses portes plutôt que de fermer toutes les portes de l'enfance pour les canaliser dans les portes de l'adulte et aussi pour permettre aux enfants téflons de s'enligner. Mais de temps en temps, ça prend un an, ça prend deux ans, ça prend trois ans. Eh bien, ça vaut la peine, pareil. Des trucs pour qu'il aime l'école, s'il vous plaît. J'en ai cherché, moi aussi. Bon, des trucs pour qu'il aime l'école, il n'y en a pas. Il faut que l'école devienne aimable. Oui, il faut que l'école devienne aimable. Moi, je vous bats, puis je cherche mon psychologue des trucs pour que vous m'aimiez pareil. Bon, l'école bat pas l'enfant, mais il faut qu'on comprenne. L'enfant, lui, c'est l'immédiat terme, jouer dehors. C'est l'immédiat terme, on le rentre dans l'école pour le long terme, puis aime ça. Quand il arrive un peu en retard parce qu'il a fait trois ou quatre petites tapettes dans le corridor, on le punit. Bon, parce qu'à soir, il écoutait une émission de télévision où il a pensé encore à jouer ou à vivre, pas eu le temps de faire le devoir qu'on lui demandait, on le punit encore. Comment peut-il aimer l'école? En plus, on le force à raisonner des mathématiques. C'est important, ça développe le cerveau, mais ça, il sait pas. Il voit pas l'utilité de le développer pour l'instant. C'est correct ce qu'on fait. Mais il faut qu'on soit capable, après ça, de lui donner des raisons d'aimer l'école, de devenir aimable. Comment? Là, je peux pas en parler là. Je fais des conférences dans tellement d'écoles, ça s'en vient. Et puis, il y a des ateliers, il y a un paquet de choses qui sont sur pied aussi. Il n'y a pas juste moi de façon qui travaille, qui communique ce genre de choses. Mais il faut que l'école devienne aimable. Si un enfant téflon n'est pas culpabilisable, ne se soucie-t-il pas des autres? N'est pas pris émotivement. Alors, qu'est-ce qui peut rendre un enfant téflon anxieux et nerveux? Qu'est-ce qui peut le rendre anxieux et nerveux? Ce qui arrive souvent, c'est que l'enfant va... Bon, premièrement, c'est intéressant de savoir quel âge il a. Deuxièmement, il y a énormément d'enfants qui, à un moment donné, finissent par être pris sur la corde raide entre la normalité et le naturel. Si je reste naturel, c'est moi. Si je deviens normal, je m'incorpore. Et là, ça peut créer un stress assez incroyable parce que l'enfant est juste sur la corde raide où il hésite. Il se dit, bon, je vais le faire. Puis en même temps, il y a une énergie psychologique qui apparaît. Non, merde! Puis après ça, il se dit, oui, mais ça serait tellement mieux si je veux m'entendre, par exemple, avec mon père ou avec ma mère. Fait que je vais faire le ménage de ma chambre. Il commence à placer ses bebelles, puis en même temps, il se sent bafoué, puis il peut pas. Puis après ça, bien, il aimerait ça communiquer aussi avec. Puis finalement, il reste pris entre les deux feux. Ça peut créer de l'anxiété. Mais encore là, il y a tellement de facteurs qui peuvent le créer. Mais s'il est téflon, bien souvent, c'est simplement l'obligation, la contrainte, le vouloir être comme tout le monde, avec l'inhibition qui est téflon chez lui, pour pouvoir, il est allergique à ce genre de soumissement. Que pensez-vous du jeune qui a fait la tuerie à la faculté de la Polytechnique de l'Université? J'aimerais connaître votre opinion. Enfin, j'ai pas d'opinion. Ce qu'il a fait est absolument inécologique, totalement stupide. Le jeune était-il téflon? Je connais pas le jeune, je peux pas vous en parler. Chose qui est certaine, c'est que canalisant mal certaines choses, nécessairement, à un moment donné, ça éclate à des places. Puis moi, je trouve ça totalement con, mais je trouve aussi con qu'on en parle encore. Qu'on parle de la problématique, oui, pas du jeune qui a fait ça. Est-ce une caractéristique de l'enfant téflon de mentir sans arrêt et comment régler le problème? Qui a fouillé dans la boîte à gâteau? C'est moi. Paf! Mais s'il était flan, la prochaine fois, ce ne sera pas lui. Autre chose. Il doit dire la vérité. Il y a un problème, ça le punit pas quand il dit la vérité. Qui a encore tout pris ça? C'est moi. Punit pas. Il faut faire ce qu'il veut. Mais il y a pire. À un moment donné, l'enfant, ben, il dit la vérité, puis à un moment donné, quelqu'un rentre, puis lui dit, comment tu trouves mes nouveaux gants? Il les trouve laids. Il dit, sont laids. Il dit la vérité. On le punit, t'es poli. Alors, c'est pas long que la politesse est un codifiage du mensonge. L'enfant téflon qui se fait ses propres structures d'intervention lui-même, il va se bâtir lui-même sa façon de communiquer. Il peut devenir un menteur total pour la simple raison qu'il ne vous juge pas à la hauteur de la vérité, ou simplement la vérité, pour lui, c'est une question de point de vue, c'est une question de farce. Fait qu'il s'amuse comme il veut. Une question de survie. Oui. Par contre, comment on peut s'arranger pour qu'il dise la vérité? Ben, faut qu'on développe le goût de vivre dans un cadre écologique qui est plaisant, puis que pour être plaisant, il doit être structuré sur une certaine forme de relation où le mensonge n'est pas toujours admis. De temps en temps, oui. pourquoi t'es en retard? J'ai chopé mes lunettes dans la neige. C'est peut-être un mensonge, mais lui, ce qu'il vous communique, premièrement, il n'a pas le goût de chicaner. Puis si on s'entend souvent bien avec lui, on va dire, on va te les coller sur le nez. Puis on n'en parle plus. Bon. Le mensonge, tu sais, quand on appelle au bureau pour dire, je suis malade, puis après ça, on est bien correct, on va jouer au golf, là. Faut pas lui dire que le mensonge, c'est pas beau, parce que... Faut attendre qu'il soit parti pour l'école avant d'appeler au bureau. Oui, le cadre. Vous me mentez continuellement. La journée qu'on est bien amis puis qu'on s'entend bien ensemble, vous pouvez plus me mentir autant. Alors, je vous punis pas pour le mensonge. Je m'arrange pour qu'on se plaise ensemble. Comment regagner le respect perdu avec l'enfant Teflon? Ça, c'est important comme question. C'est important de faire attention. On n'arrive pas à soir après une conférence, puis paf, on est respectable. Là, il va se dire, ouais, on va attendre dans 2 semaines, il va avoir oublié ça, là. Normalement, on est chanceux de faire une conférence avant le début de l'année. On doit s'arranger, puis ça, c'est comme ça pour n'importe quoi. Les droits acquis chez un enfant, on les change quand? On les change quand on déménage de maison. Là, on peut changer les choses. Là, l'être humain accepte psychologiquement plus facilement un changement si on change beaucoup de choses. L'année nouvelle qui s'en vient, 1er janvier, pour beaucoup de monde, on peut changer des choses et on va accepter des changements. Là, c'est le temps de changer des choses. Faut qu'on les tienne, par exemple. Mais là, c'est le temps, une fois qu'on a compris les choses, quand on commence, là, on décide qu'on change. Puis là, si on décide qu'on change, on se laisse moins manipuler, on a changé. Les couilles, oh, qu'est-ce qui t'arrive? 1er janvier, j'ai pris la décision que ça se comprend. C'est comme une farce. Mais c'est plus facile de passer le changement dans des structures du genre. Comme par exemple, le saut tout traîner, là on déménage, puis dans la nouvelle maison, tu traînes plus rien. Tu comprends mieux que à partir de maintenant, tu traînes plus. Alors on se sert de ce genre de structure pour changer les choses. L'année nouvelle, ça fait ça. Alors, les questions ont malheureusement pas toutes été répondues une par une, mais j'imagine qu'il y a plusieurs réponses dans les questions qui restaient à formuler. Ceux qui veulent plus d'informations sur les prochaines conférences ou sur les ateliers disponibles, je peux vous informer à la sortie. Merci d'être venu. Bonne semaine. Au revoir.